la matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne, j'espère que vous êtes... Oh, elle est choquée. Ça commence. Chroniqueuse, elle est déjà choquée. Pourquoi t'es choquée? Je sais pas. Tu sais pas, Marie. Salut Marie, comment tu vas? Salut, ça va? Bah écoute, ça va très bien. Alors, on a autour de cette table, alors on a un petit problème, non pas qu'il soit pas à l'heure, Jocelyn, parce que ça lui arrive souvent de pas être à l'heure. Vrai. Mais là, c'est il est malade, c'est ballot. Alors ouais. Du coup, on remplace... Jocelyn par nos compagnes respectives hein. qui n'ont pas de barbe. Qui n'ont pas de barbe, exactement. Non, effectivement. Ça va, James ? Ça va, j'ai pas le Covid. Jocelyn non plus, mais. Non, mais il a tous les stigmates quand voilà, même. Voilà, il a tous les symptômes. Un petit coucou d'ailleurs à Jocelyn pour qu'il revienne fort, parce que dans une semaine, on a encore une émission. Sophie, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Bon, bah très bien, contente de vous avoir, les filles. Vous allez nous parler de quoi, les filles, aujourd'hui ? Ah bah de tout et de rien, j'ai envie de dire. Parle bien dans le micro. De tout et de rien. Voilà, très bien. Et bah c'est exactement ce que l'on veut entendre de toi. Et sans plus attendre, alors attends, parce que je sais que... Ah bah si, ça marche en fait. Sans plus attendre, on va passer au journal. Je me mets juste sur les titres, je prends mon temps. Et c'est parti pour le journal dans cette émission très spéciale. Et on commence par ce journal, par les informations nationales et internationales avec James. C'est finalement le groupe RN qui nommera le chef cuisinier de la cantine à l'Assemblée nationale. C'était même l'axe principal de la campagne des législatives du Rassemblement national qui souhaitait redorer le blason de la cantine du Parlement français. Une nomination de courte durée puisque la cantine sera prochainement remplacée par un distributeur automatique pour raison de coupes budgétaires. Et on le comprend bien. En passant à l'immobilier, un placard à vélo loué 350€ par mois sur Le Bon Coin. Oui, c'est à Paris, de quoi mettre un lit, éventuellement un oreiller et même un seau pour éviter d'avoir à se déplacer aux toilettes publiques situées quelques rues plus loin. Ce local du 15e arrondissement va attirer plus d'un acheteur, d'un loueur. Oui, oui, oui, oui. L'annonce parue hier a d'ailleurs déjà été supprimée puisque trop de candidatures ont afflué et il a déjà été loué, ce petit local. On pourra suivre local. D'ailleurs sur le suivi de cette location dans une prochaine émission. Bien sûr, oui, on aura la suite. Et enfin, les scientifiques redoutent une nouvelle vague épidémique très dure avec le variant Omicron BA13. Un variant extrêmement résistant, c'est ainsi que la communauté scientifique décrit le bien nommé BA13. On parle aussi d'un variant beaucoup moins dangereux mais très répandu qui aurait la particularité de toucher que les enfants. On l'appellerait le variant BA-bas. Oh ah. Voilà. Merci pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite avec Marie qui est très à l'aise avec les informations locales. Information locale avec la pluie à la fête de la musique à Nancy, c'était le 21 dernier. Les agriculteurs font appel aux musiciens nancéens pour lutter contre la sécheresse. Oui, et ce fut une réussite massive, puisque les cordes musicales nancéennes si mélodieuses ont permis à la pluie de faire son apparition dans Nancy intramuros, convoquant même un orage vers 23h. Voilà, une fête qui a donc marché du tonnerre. De Dieu, effectivement. Les pompiers en démonstration plastanent. Oui, c'était hier à 14h hein, que les pompiers s'adonnaient à des simulations de vente de calendriers. Des simulations de porte à porte et de petites conversations sur le palier ont donc eu lieu tout l'après-midi, permettant ainsi aux passants de voir les aspects les plus méconnus du métier. Et une information pour terminer ce journal, une information qui a le mérite d'être connue par le plus grand nombre. Manger un pâté lorrain par jour augmente l'espérance de vie de 10 ans. Oui, c'est une étude parue dans Fuseau Lorrain Magazine qui relate que 47% des gens qui trempent leur pâté lorrain dans le café le matin observent des bienfaits sur leur organisme. Alors on dénombre moins de cas de cancer, de meilleurs anticorps et donc une espérance de vie de 10 ans supérieure à la moyenne. C'est incroyable. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Je pense que demain matin, les boulangeries seront dévalisées. Merci beaucoup, Marie, pour Merci. Ce premier journal. On passe tout de suite à la météo. La météo. La météo en hommage à Jocelyn, qui d'habitude l'a fait et qui aujourd'hui a son soleil qui est au plus bas et qui est au plus marre, puisque Jocelyn a dû en profiter pour dormir. mais sachez que dans son cœur rayonne un soleil qui manquera peut-être à la Lorraine. Et aujourd'hui. Je sais qu'il a des températures aujourd'hui. Il a de la température. Merci pour cet hommage à Jocelyn qu'on salue bien bas. Tu gardes la main, James. Tu gardes la main oui, parce que je garde nous la main. Sommes je un 23 juin. Et qu'est-ce qui s'est passé un 23 juin ? De nombreuses choses. Et ouais, de nombreuses qu'on choses. Va voir dans un instant. Oui, oui, oui. Mais je ne dis pas. Une pause musicale voilà. Avec Axel Bauer. Éteins la lumière. À tout de suite. Axel Bauer éteint la lumière. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Le 23 juin 2022, c'est la date à laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, nous fêtons les naissances de deux femmes qui ont marqué l'histoire à la fois de Nancy et aussi de l'humanité et de la France en dernier lieu. Oui. D'abord, Marie Leczinska. Ah, c'est vrai. Mais j'y pensais ce matin en me levant, je voulais en parler. Marie Leczinski, on dit. Il y a écrit les inscrits parce qu'à mon avis c'est une femme et en, oui. quand c'est, oui, c'est vrai, voilà, polonais voilà. En, en polonais si tu veux t'accordes en genre en nombre en russe aussi enfin, le... on fera peut-être une émission en polonais un de ces quatre En terminant tout le, l'esca ouais, voilà donc Marie Leszinska bon pour ceux qui ne savent pas c'est la fille de Stan de Stanislas qui s'est mariée avec Louis XV et oui je croyais que l'invité politique ça allait être Louis XV moi. Ah bah pourquoi pas, on en parlera après. Merci de spoiler pour tous les oh là là, c'est incroyable ça. Alors donc du coup voilà, ça c'est la première femme qui est née un 23 juin. Enfin c'est pas la première femme mais donc c'est la première femme dont j'ai choisi de parler. Il y a encore 2-3 femmes avant elle qui sont nées un 23 juin. Et également Joséphine de Beauharnais. Ah alors, je l'ai plus celle-là. Joséphine de Beauharnais, Stéphane personne Bern ne l'a. Littérature personne ne l'a. Non, Joséphine de Beauharnais quand même, c'est une femme, c'est la femme d'un personnage illustre de l'histoire de France. Ouais, mais alors qui ? Oh là là, je l'ai plus. D'un écrivain. Vas-y, balance. Bah, il a écrit des trucs, mais c'est pas pour ça qu'il est connu, tu vois. C'est un peu comme dire Hitler, c'était pas un peintre, tu vois. Ah si, Hitler ? Non, c'est pas la femme d'Hitler. C'était un peintre. Non, oui, non, mais. Ah, d'accord. Non, non, mais c'était. C'est pour dire qu'en fait, la personne qu'on cherche n'est pas un écrivain, même si elle a écrit des livres. Ah, d'accord, voilà. Ok. Voilà. Enfin, elle a écrit un livre, il a écrit ses mémoires. Oui, bon, okay. Bah vas-y, dis, parce que je sais pas. Voilà. C'est Napoléon. Napoléon Bonaparte. Oui. Ah là là, la femme avec de. C'est la première femme. En plus. Ah, oui, voilà, c'est la première femme de Napoléon Bonaparte. Joséphine de Beauharnais. Il y a du bon monde. Il y a du bon monde, c'est sympa. Alors, attention. Des Beauharnais. Voilà. J'ai tenté une petite blague, pas du tout drôle. Ah là là. C'est bien. Bon, bah, voilà. C'était la première, la dernière. Allez, au revoir. Jocelyn, reviens. Et alors, il y a aussi du beau monde d'un point de vue de footballistique. Je pense que ça va vous parler quand même. Si je vous dis Jean Tigana. Ah oui. Si je vous dis Patrick Vieira. Si je vous dis Zinedine Zidane, eh ben tous ces trois-là sont nés un 23 juin. Mais non ! Incroyable. Hein. Ah incroyable. Ouais, d'accord. Et alors, alors là pour le coup, Marie, ça va plus te parler. Tiken Jafakoli quand même. Tiken Jafakoli. Tiken ? C'est une maladie. Tu connais pas Tiken Jafakoli ? C'est une maladie ça. Ouais, non. C'est ça. Mais je connais pas. Mais c'est un reggae man. Je pensais vraiment que tout le monde connaissait. Est-ce qu'on l'a d'ailleurs ? C'est comment t'écris ça ? T-I-K-E-N, loin J-A-H et Fakolim. C'est incroyable que vous voyez. Ah oui, et bah voilà, et bah on va mettre ça juste après, tiens, d'ailleurs, voilà, okay. En hommage. On écoutera Tiken Jafakoli. Voilà. Et au niveau des morts, parce que ça c'était les naissances. Ouais, j'adore les morts. Au niveau des morts, il y a une personne qu'on salue et qui a bercé pas du tout mon enfance, parce que je regardais jamais, c'est Peter Falk. Ah c'est oui, Columbo. C'est Columbo, voilà. Ah oui, ouais. Avec son chien. Voilà, exact. Et sa 402 et son 400, ils sont imperméables. C'était une Peugeot qu'ils avaient ramené directement de France et sa femme. Et sa femme. Qui est française. Ma femme me disait. Ah oui, c'est vrai. Ma femme me dit. Ah ben voilà, j'allais dire, fini voilà. Imitation. Wow. Ouais, c'est ça. Un dicton. Oui, un dicton. Alors, il y avait juste un autre. Alors, ouais, c'est pas grave. Il y a un type qui est mort qui s'appelle Mathurin Jacques Brisson. Et je trouvais ça vraiment cool comme nom. Alors, je voulais le dire. Mathurin Jacques Brisson. Voilà. Et donc, le dicton, c'est la Sainte-Audrey, le 23 juin. D'accord. Et pour la Sainte-Audrey, il y a un petit poème. C'est s'il pleuvait à la Sainte-Audrey, tous les hommes s'en contenteraient, toutes les femmes s'étreindraient, et le bonheur prévaudrait. Mais il fait toujours beau à la Sainte-Audrey. Vous avez 3 minutes et 20 secondes pour analyser cette phrase sur Tiken Jafakoli. Et après, on parlera de l'horoscope, avec un horoscope bien particulier. En tout cas, merci pour cet éphéméride, James. À tout de suite. Un couplet pour dénoncer l'échec, africain surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher. Trop cher, à quand le procès? Une parole pour honorer nos pères. Ces soldats tombés dans leur guerre, victimes effacées de leur dossier, dossier déjà classé. Ceci n'est qu'une chance, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, j'ai dit non. Je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, en chanson. Un refrain pour soutenir les frères expulsés du territoire français, reconduit, menotté aux frontières. Frontières pour un destin tracé. Une ligne pour dénoncer nos travers. Tradition n'est pas toujours sagesse. Africains, on ne l'est pas qu'au passé. Passons à la suite assez. Ceci n'est qu'un chant, penser ce n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, la chanson. Un couple pour dénoncer l'échec africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher, trop cher. À quand le procès? Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, j'ai dit non. Je chante pour ne pas accepter. La chanson ne bena gati fawe ne bena gati fawe ne bena gati fawe. Tiken ja fakoli, je dis non. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. L'horoscope de 18h sur Fadjet. Mesdames et messieurs, vous savez que l'heure est grave ici en France parce que nous n'avons pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale et qu'actuellement il y a des tractations qui se font avec tous les partis pour essayer de trouver une majorité absolue pour que le gouvernement puisse passer ses lois. Et donc on s'est dit qu'on allait faire l'horoscope d'une personne cruciale, en l'occurrence Emmanuel Macron. Puisque c'est lui qui va... Qui est également un excellent ami personnel, moi je le connais très c'est bien. C'est vrai? Ouais, c'est un ami, il est venu manger hier soir chez moi, j'ai fait un duo de pâtes, c'était sympa, c'est moi comme tout. Vous en avez parlé ou pas, du coup, de non, cette parle, situation? Moi, non, on parle pas beaucoup politique parce qu'on n'est pas d'accord beaucoup. T'es un peu sur l'échappatoire en fait. Voilà, ouais, on parle beaucoup de jeux vidéo, de choses comme ça. Quoi. Et alors là, on va, en exclusivité pour vous sur Fadjet, vous dire qu'est-ce qui va être décidé là dans les 24 heures au niveau français pour coalition, pas coalition, grâce à la lecture de l'horoscope aujourd'hui de Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron est né un 21 décembre. Il est né sous le signe du Capricorne. C'est le premier jour. Et il a eu la bonne idée. Et la bonne... Bah oui, parce que je crois que vous êtes deux au monde à être nés du signe Capricorne. Il y a Emmanuel Macron et toi. Et moi, oui. C'est aussi pour ça que vous entendez bien que vous avez certaines connivences. On a des affinités qui sont dues à notre signe astrologique, c'est évident. Mais ça se comprend. Là, on n'a pas le même ascendant, par contre. On n'a pas le même ascendant. Mais tu sais que, tant mieux, parce qu'au moins ça permet d'être complémentaire. C'est vrai. Comme on dit, on n'a pas le même ascendant, mais on a la même passion. Voilà, effectivement. La passion de la France, tout simplement. La passion de la France, parlons-en, puisque je lis l'horoscope au niveau travail pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, un 23 juin, travail. Écoutez, prenez des engagements importants. La voie est toute tracée et vous conduira vers la réussite. Ça, clairement, ça veut dire déjà que ce soir, il y a quelque chose qui va être clairement, bim, décidé, acté. Ce soir, donc, dans 2 heures. Ouais, Maxi. Effectivement. Mais oui, c'est vrai qu'il est déjà 18h, presque 20. Oui. Et là, clairement, c'est quand même quelqu'un qui avait déjà des idées au préalable et qui s'est dit... Est-ce que je vais pouvoir les passer? Et quand on voit l'alignement des astres, c'est bon, prenez des engagements importants. La voie est toute tracée, donc vas-y gros, c'est bon. Donc d'après vous, qu'est-ce que... Avant... ouais, vas-y. Non, je pense que la voie est toute tracée, ça veut dire qu'il sait là où il doit aller. Mais par contre, Parfois, il peut y avoir une voie qui est toute tracée, mais qui se sépare en plusieurs chemins. Ah, tu penses que c'est ça ? Et par conséquent, ça devient difficile. D'accord. Sophie, tu en penses quoi, toi ? Il peut y avoir des tractations. Sophie, tu en penses quoi ? C'est difficile. Sophie, elle est sidérée. Elle est sidérée. Elle ne souhaite pas parler politique à l'antenne. D'accord. Non, mais tu m'as laissé sur la bande d'arrêt d'urgence. Là, j'étais absolument pas en train d'écouter. D'accord. Alors, bravo Sophie. Ah ouais, clairement. Ouais, décrochage total. Ah bah d'accord, total. Merci. On fera ton horoscope la semaine prochaine d'ailleurs, puisque tu es du signe du cancer, je crois. Non. Bravo, non. Bravo, je suis balance. C'est balance, oui, c'est vrai. Voilà, balance, elle est très équilibrée. Voilà, voilà. Et peut-être que c'est d'ailleurs ce qui manque à Emmanuel Macron. Je rejoins le sujet, mais peut-être que c'est une histoire de balance. Voilà, voilà, c'est une histoire de balance. C'est un homme qui est très capricorne, donc qui est très. Les capricornes sont extrêmement. Cornu. Et peut-être que il a besoin cornu, donc là moi connaissant, alors tu vas me valider parce que tu as mangé hier soir avec Emmanuel Macron, mais moi ce que je pense c'est que comme là je répète une dernière fois, il est où le Capricorne, il est là, prenez des engagements importants et c'est surtout la suite, la voie est toute tracée, vous conduira vers la réussite. Moi je pense qu'il va mettre en place ce qu'il avait prévu, à savoir euthanasier une cinquantaine de députés, de manière à nouveau, avec ces 225 députés ou 240, je ne sais plus, 240, récupérer. Ah oui. Voilà, tu vois. C'est ce qu'on appelle la majorité par l'assassinat. Ouais, c'est ça. Ça marche, ça a marché beaucoup dans l'histoire. Hein. Et moi, je suis prêt à vous parier que demain, il y a une quarantaine. Et alors là, du coup, il va prendre de tous bords. Hein, égalité, tout le monde, Rassemblement National, LFI, etc. Vous allez avoir des députés qui vont disparaître. Ou sinon, plutôt que de tuer les députés, ce qui est quand même un tout petit peu fastidieux à faire. C'est vrai. Hein, oui, il suffit simplement de condamner les sièges. Si tu mets par exemple un petit peu de, je sais pas, une substance dans genre de l'huile ou quoi sur le siège, les gens ils peuvent pas s'asseoir. Et, pas voter. Et donc du coup il a la majorité parce qu'il y a des gens qui sont pas assis quoi. Et je pense que c'est ça effectivement. Voilà, on va terminer là-dessus. Ça. Ce qu'il faut, alors écoutez bien tout ce qui est. Écoute Manu, Manu écoute. C'est un petit message perso. Manu, ma couille, écoute ça. Mais voilà. Vous allez entendre demain ou même ce soir très tard sur les chaînes d'information en continu, vous allez voir, demain la majorité absolue est trouvée parce qu'il y aura un graissage de sièges, entre autres, ou des boules puantes, etc., sur une quarantaine de députés, de manière à ce qu'on récupère l'intégralité de la majorité absolue. Je te clôt là-dessus. Et on peut juste savoir ce qu'ils se disent en santé ou des trucs comme ça, ou parle que de travail quand même. Ou alors en santé. Capricorne, bonne. Comme par hasard. Bah oui, forcément. Et il a validé son plan. Et la c'est, vrai, c'est vrai. En plus, moi, je peux dire, parce que moi, je suis bon aussi. Enfin, je me sens bon en tant que Capricorne aujourd'hui. Et en parlant de lumière, comme notre grand maître Emmanuel Macron, nous allons recevoir là, en exclusivité, quelqu'un qui parle avec Louis XV. En fait, il ne parle pas que avec Louis XV. C'est un médium politique. C'est-à-dire qu'il peut convoquer tous les esprits des anciennes figures historiques françaises. Voilà. Et international. C'est juste après Leslie, on ne sait jamais. Je voyais en vous ce que voulait vraiment. créole, mais surtout qui n'oublie pas d'où je viens. Mes ancêtres, mes origines, et tout ça, ma vibe. C'est un mélange de reggae d'Ambolo, ma vibe. Partie des West Indies, des trucs de flow. Un special big up to Magic System et les gars, oh. C'est sur Fanchu, ma gueule Leslie. Leslie, on ne sait jamais. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Oui, tout s'entend, Sophie. Même je quand suis tu. L'invité politique de 18h sur Fadjet. L'invité politique, c'est Régis II. Régis II, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, merci de me recevoir. Régis II, vous avez une capacité hors norme, puisque c'est que vous incarnez en vous-même les morts, c'est ça ? Ah oui, voilà, en fait, je suis médium politique, c'est-à-dire que je fais des conférences où j'incarne à la volonté de mes spectateurs n'importe quel personnage historique français. Et international. Alors, est-ce que vous discutez avec eux ou est-ce qu'ils prennent possession de votre corps ? Ils prennent possession de mes capacités corporelles et oratoires, donc okay. Ça veut dire qu'ils vont prendre possession de mes cordes vocales. Évidemment, ils ne savent pas dans un premier temps où est-ce qu'ils atterrissent, mais c'est-à-dire que moi j'ai fait ce travail-là pour qu'ils ne se posent pas la question de ah là là, en quelle année on sait. C'est-à-dire qu'ils répondent directement à la question qu'ils auraient posée. Oh, d'accord, il n'y a pas besoin à travers de dire, moi. Voilà. C'est-à-dire que je fais un peu l'interprète, si vous voulez. Ok, très bien. Hein, bah, écoutez, pas forcément la langue à la base, etc. Je propose de commencer maintenant. Marie, Sophie, qui aimeriez-vous poser des questions là de quelqu'un qui est mort dans le passé et français alors, québécois. Moi j'aurais une question vraiment. J'aimerais parler à Jules César. Je sais pas si. À Jules César. Alors, je sais pas si. Voilà, j'ai une petite question Jules César, un peu. Jules César, français, bien pas sûr. Pas de problème. Pas de problème. Je vais simplement demander à tous les auditeurs de penser très fort à Jules César pendant que je le mets en stance. Est-ce qu'il est en toge? Je serai en toge, évidemment. D'accord. Alors oui. Excusez-moi, j'ai mis un tout petit peu de temps. Jules ? Oui, bonjour, c'est Jules César. Oh là là ! C'est impressionnant. Incroyable. Entendu, c'était le bruit que j'ai fait juste à ma mort lorsque mon fils Brutus m'a poignardé dans lui le dos. Lui aussi, votre fils. Je lui ai dit, en mourant, « Toi aussi, petit con. » Ah, petit con ? Oui, ah, effectivement. La vraie version, c'est « Tu quoique, petit cucuno. » Petit cucuno. Petit Okuno. No. Oui. Alors il faut savoir que normalement j'ai un accent italien, mais je vous en fais grâce. Ce qu'il faut voir, c'est Sophie est impressionnée par le fait d'être en face de Jules César. Ah. Ouais, c'est vrai. C'est la toche peut-être. Hein, une question peut-être, Sophie. Non ? Non ? Ah, tu décroches encore. Elle veut prendre un selfie, visiblement. Je ne sais pas ce que c'est qu'un selfie. C'est toi qui as demandé. La question. Bah, juste, est-ce qu'il déjà, il pourrait ne plus écarter les jambes parce qu'il est en face de moi et la toge. Ah, pardon, excusez-moi. Oui. Et la question, c'était en fait, à la base, est-ce que vous avez vraiment eu des relations intimes avec Cléopâtre ? Ah oui, c'est vrai, ça. Alors, Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nos historiens d'aujourd'hui disent que vous avez une relation avec Cléopâtre. Oui, alors en fait, si vous voulez, ma relation avec Cléopâtre, c'était purement platonique, puisque c'était ma partenaire, on aimait beaucoup manger des fruits allongés ensemble, notamment du raisin, et voilà, mais il faut savoir qu'elle avait 14 ans, Cléopâtre, d'accord ? Ah ouais, moi, j'avais 35, 38, 30, entre... Ah oui, d'accord. Oh, ça se fait à l'époque. Oui, ça mais va. Si vous voulez, non. Moi, je suis quelqu'un de raffiné et Cléopâtre était particulièrement moche. Alors, rien à voir, mais en termes de gastronomie, qu'est-ce que vous aimez manger pendant votre période de règne ? Ah, écoutez, je suis romain, par conséquent, la pizza et pizza. Tagliatelle, la carbonara. Pizza existait déjà de votre temps ? Bien sûr, pizzus, pizzum, pizzu. C'est comme ça qu'on décline le mot pizza. La quattro saisonus ? La Quattro Saisonnus, bien sûr. Margaritus. La Margaritus, la Pizza Racletus, tout ça. Oui, tout la Campagne Ardoum. La Campagne Ardoum, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y avait déjà des ananasum? Est-ce que vous tuez les gens qui mangeaient des pizzous avec de l'ananasum? Ah, bien sûr, ils étaient donnés aux lions dans mes arènes, dans mon arène, dans mon colisée. Ah, vous colisée, en aviez un colisée, un petit coco, un. D'accord, très bien. Bon, très bien. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Une dernière question ou pas? Je vous laisse le corps de Régis. Excusez-moi, oui. J'ai un peu pris, toute la place. Oui, oui. Je sais qu'il y a Louis XV et tout ça qui sonne derrière, voilà. Mais moi je ne peux pas. Là, on n'aura vraiment pas le temps de recevoir. J'ai rarement l'occasion de passer à la radio, voilà. Si vous voulez. Donc, on va juste récupérer Régis. Mmh. Ah oui, excuse. Voilà. Oui, c'est mon petit cri que je fais quand je sors de stance. Voilà, merci. Merci à vous. Merci à vous. Je précise pour mes auditeurs que j'ai d'autres personnages historiques. Hein. Je n'ai pas que Jules César, évidemment. Oui. Mais bon, voilà. Et il se trouve que là, Jules a pris sa place. Très bien. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que vous reviendrez plusieurs fois à l'antenne, Régis 2, parce que j'adore cette chronique avec vous. On est très, très, très en retard. C'est le journal juste après Aurora. Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one. He holds the gun against my head. I close my eyes. I know he knows that he's killing me for mercy, and here I go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And here I go. Oh, oh, oh. My body in his arms. He didn't mean to do no harm, and he holds me tight. Oh, he did it all to spare me from the awful things in life that comes, and he cries and cries. I know he knows that he's killing me for mercy, and here I go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And here I go. Oh, oh, oh. Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one. The gun is gone, and so am I, and here I go. Aurora, Murder Song. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Il est 18h, plus largement plus que 35 minutes. C'est le journal présenté par par Sophie et puis par James. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales. Si mon téléphone ne veut pas bugger. Conjecture de Van der Verden. Un problème mathématique presque centenaire résolu. Et la démonstration était finalement assez élémentaire. Il suffisait d'utiliser le théorème de Zeremedi et d'opérer un changement de variable dans l'intégration par partie, puisqu'on remarque que les delta n éléments de tout sous-groupe arithmétique de z sur nz est un isomorphisme exponentiel de noyau de the pi z, ce qui revient simplement à utiliser la formule de Bolzano-Weierstrass dans un espace de Banach. Voilà, c'était finalement assez simple en fait. Bolzano de Weierstrass, et c'est grâce à des informations comme ça qu'on récupère des auditeurs. Voilà. Ceci être dit. Législative. Emmanuel Macron envisage de reconfiner le pays pour punir les Français de ne pas lui avoir accordé une majorité. Effectivement, le président a déclaré avoir sorti la valise confinatoire et être prêt à appuyer sur le bouton. Des citoyens ont d'ores et déjà commencé à imprimer leurs attestations en prévision d'un éventuel reconfinement. Et enfin, musique, puisque la fête de la musique, c'était pas si vieux que ça. Toujours aucune nouvelle de Faudel. 2004, cela fait maintenant 18 ans 2004. Que Faudel n'est pas apparu sur un album, n'a pas paru de chanson. De plus en plus de rumeurs commencent à se répandre sur Internet comme quoi Faudel n'aurait jamais vraiment existé, qu'il serait une espèce de légende du rail français. Merci pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales. Information locale, qui n'est pas lorrain n'est pas lorrain. 1. C'est élu meilleur hymne régional par les Français, pardon. Oui, il reste désormais à trouver la voie officielle de l'hymne. Les candidatures affluent d'un peu partout dans le monde. On peut citer certains noms comme Nolwenn Leroy, Richard Gottener ou encore Gérald, le leader iconique du groupe des années 90, G-Squad. Et on passe le bonjour à Gérald d'ailleurs, qui doit nous écouter. Oui, effectivement. Le chanteur Sting va se produire à Nancy le 3 juillet. Et oui, il est la surprise du chef, puisque c'est lui le favori pour l'hymne. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la concurrence est rude, mais le chanteur anglais aurait déclaré, et je le laisse... I'm confident and you know, I might as well try, because it's getting boring to just sit around and do nothing, you know. On sentait qu'il était fâché, là. Oui, j'ai préféré le laisser faire sa déclaration seul, parce que moi, mon anglais ressemble à peu près à celui d'Enrico Macias, et ça aurait donné... I'm confident, and you know, I might always try because it's getting boring. Effectivement, la version normale est préférable. Un peu un accent indien aussi. On est d'accord. Dernière information, Bernadette Mangena nous a quittés. Elle était la figure emblématique de l'EHPAD de Bayon, et son sourire était reconnu partout dans la Lorraine. Championne catégorie senior de bridge et âgée de 84 ans, Bernadette Mangena a choisi de déménager en Alsace pour se rapprocher de ses petits-enfants. Un choix un peu particulier, mais que l'on doit respecter. Elle est partie en Alsace. Merci Sophie pour ces informations locales. On passe tout de suite à la météo. La météo. Une météo qui va annoncer des chiffres. Vous allez voir en haut du ciel des chiffres passer au-dessus de votre tête. On annonce des 25 à 18 heures, voire des 20 à 22 heures. C'est prévu que ces chiffres soient fluorescents pendant la nuit, donc vous devriez voir passer un 16 vers 4 heures du matin au-dessus de votre tête. Voilà, la météo demain, ça sera couvert, donc vous ne devriez pas voir ces numéros. On vous en dira plus demain dans la matinale de 7h. C'est la fin de ce flash météo. C'est l'émission phare qui arrive maintenant, c'est les grosses fesses. Ah, quel bonheur, Les grosses fesses des questions de l'actualité. Mais avant, un monument de la musique. Vous connaissez tous cet air. Sting, Englishman in New York. I don't drink coffee. patriotic tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Englishman in New York. La matinale de 18h, l'émission qui est bujon. Et bienvenue sur notre émission de des grosses fesses, les grosses fesses. Et on a perdu une chroniqueuse. Bon bah c'est comme ça, c'est la vie. C'est Sophie qui devait elle a été éliminée. Partir. Voilà, on a un chroniqueur qui arrive toujours en retard et une chroniqueuse qui part en avance. Part en avance. C'est pas grave, on a gardé la meilleure, on a gardé Marie. Ouais. Tout de suite les questions sur les informations de la semaine dernière. Et puis j'attends de vous les bonnes réponses bien évidemment. On commence tout de suite par une information. Qu'est-ce qui devrait avec certitude arriver dans les 30 prochaines années en Méditerranée? Alors, est-ce que la Méditerranée ne va pas tout simplement cesser d'exister. Ah non, non, mais c'est-à-dire qu'il y aurait un espèce de gros trou à la place. Par contre, c'est lié un peu à du mouvement de Méditerranée. Mais attends, c'est une vraie information? Alors, c'est une vraie information, oui, bien sûr. De vrai de vrai. C'est, bah, j'en sais rien, moi. Ce qui serait bien, c'est de ne pas remettre en cause les véracités de mes propos, s'il te plaît. Okay. Tu te sens en quoi qu'on dit que des choses pas vraies ici, c'est ça? Non, mais je ne sais pas. D'accord. Bon, bah, alors, je ne sais pas sur quel pied danser ici. Hein. Bah, danse sur le pied de la vérité. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec le mouvement tectonique des plaques? Ouais. Est-ce que ça va pas, est-ce que la Méditerranée va pas devenir un espèce de mont, le mont Méditerranée? Ah non, non, non, ça va pas être jusque là, mais ça va bouger, ça va bouger. Mais pourquoi ça va bouger? Ah, elle va rétrécir, elle va rétrécir. Non, non, non, elle va revenir après à la normale, hein, mais il y a quelque chose qui va être, c'est sûr, dans les 30 ans, dans les 30 ans. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 79. Ah, on va pouvoir marcher sur l'eau, parce qu'il y aura trop de sel. Marcher sur l'eau, mais sans le vouloir à ce moment-là. Je vous perds. C'est quelque chose qu'on voit très souvent dans certains pays, mais qu'on voit très très rarement sur la Méditerranée, qui est lié à un autre facteur. Ouais, là, très franchement, les indices sont géniaux, quoi. C'est lié à certains facteurs, mais en même temps, c'est la résultante d'un autre phénomène naturel. Les volcans. Un volcan, qu'est-ce que ça peut créer au niveau de la Méditerranée? Oh non, mais je vous ai tout dit là. Non mais attends, je l'ai pas du tout. Beaucoup de chaleur. Les auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez la mozzarella fond plus vite. Oh, il va y avoir un raz-de-marée. Merci. Oh, d'accord. Dans les 30 ans, il va y avoir avec certitude, c'est un article de Libération, et il va y avoir un tsunami, c'est une certitude au cours des... Ah d'accord. Voilà, l'UNESCO a rappelé mardi, donc avant-hier, la certitude d'un raz-de-marée dans la zone d'ici les 30 prochaines années. Donc on va les vivre. Bernard Aliaga, j'ai mon frère qui m'appelle en même temps, donc je peux pas lire. Voilà. Bernard Aliaga, spécialiste des tsunamis, alerte et sur les risques et la prévention de ces événements. C'est de Bernard Aliaga. Bernard Aliaga. Il est de la famille de Nikos. De Nikos, oui. Ouais. Bah, ça doit être le frangin, effectivement. Ouais. Le 16 octobre 79, un raz-de-marée provoqué à la suite d'un glissement de terrain frappait violemment la côte niçoise, faisant une dizaine de morts. Mais du coup, est-ce qu'on est safe? Est-ce qu'on est sauf en Lorraine? Est-ce que le raz-de-marée va nous... Alors ça sera une des questions la semaine prochaine, parce que... Qu'on est sauf, je pense que étant donné qu'on est à plusieurs centaines de mètres d'altitude, on est sauf, rassurez-vous. Je vais peut-être quand même me payer un petit canot de sauvetage au cas où. On n'est pas à l'abri, par contre, d'un craquage du barrage de Pierre Percé. On va tous partir en Alsace. Mais bon, allons en Alsace, pour être sûr. Avec Bernadette Mangenot. Ouais. Voilà, tout Mangenot. Bon, c'est déjà la fin de l'émission, désolé. Ah non, il n'y a qu'une question, et en plus, vous avez tellement traîné. On a galéré. Elle était dure, on a bien galéré. Je suis obligé de passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est invité Showbiz, on vous en dit pas plus. On va vous dire juste après Noir Désir au sombre héros de la mer qui est cet invité Showbiz. Au sombre héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Tout part toujours dans le flot, fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Oh. We'll be right back. d'une absence qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombreros de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères dont les cendres si l'on faisait couler l'acide. Noir désir au sombre héros de la mer. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. C'est l'invité showbiz de 18h sur Fadjet. Et quel invité showbiz, Sting? Alright. Bonjour à Fadjet. Qu'est-ce que vous parlez très bien français pour un anglais, c'est fort. Sting, on a allez-y. J'ai appris le français grâce à Cheb Mami. Ah oui. Ah, ça c'est vraiment formidable. Je fais un duo avec Cheb Mami dans le passé. Oui, ouais. Aussi Metro Games. Desert Roads, par exemple. Metro Games aussi. Très bien, très bien. Alors, on a l'exclusivité sur Fadjet d'avoir dans nos locaux Sting qui va se présenter, qui va se produire en spectacle, puisque vous allez être au Zénith le 3 juillet. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce spectacle? C'est un show à l'américain, même si je ne suis pas américain. On voulait absolument faire un Nancy. On dit Nancy ou Nancy? Nancy. Nancy. Ouais. On voulait faire Nancy parce que les pâtés lorrains, les pâtés lorrains, j'ai découvert et j'adore. Les pâtés lorrains, c'est comme on dit, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Oui. Est-ce que vous aimez tremper votre pâté lorrain? Trempé. Alors vous saviez peut-être pas. C'est dans le thé. Mais Marie va vous expliquer comment ça se passe. Oui, alors en Lorraine, on trempe notre pâté lorrain. Enfin, c'est surtout les hommes en particulier. Aiment tremper leur pâté lorrain dès le matin. Dans le café. Vous avez déjà essayé ou pas? Ah ben je veux bien essayer. C'est super. Je pense D'accord. pas j'apprendrai des trucs en venant ici à Fadjet. Ouais ouais. J'avais beaucoup entendu parler de Fadjet. Vous écoutez Fadjet? Dès que je suis à Nancy. Donc en fait jamais. Mais j'aime beaucoup la voisinade. La voisinade, Gaelon. J'adore Gaelon. C'est du très niveau, bien. Du level exceptionnel. Une petite question encore. Quelle est votre actualité là, pour les mois à venir? On parle d'une transformation pour vous. En fait, l'actualité actuellement, c'est qu'on va produire un calendrier. Je vais faire un calendrier Sting. Avec Patrick Sébastien, c'est ça hein? C'est Patrick qui prend des photos. D'accord. C'est ça, à chaque fois des photos de moi. Oui. Sting en string. Ah, non. Wow, ça c'est une idée géniale. Je vais la prendre aussi. J'ai tellement eu de bonnes idées. Je vais faire une photo en string, une photo en pâté lorrain. Alors, s'il vous plaît, en mars, j'aimerais Sting en string en train de manger un pâté lorrain. Ok, alors on va faire ça. Alors. Voilà. Peut-être je le fais dans les studios de Fadjet. Très bien. Écoutez, on est vraiment désolé. Merci, mais c'est super. J'adore l'énergie de la Lorraine, l'énergie de Fadjet. J'adore. Très bien. Merci beaucoup. Enfin, je crois savoir que vous devez aller dans d'autres radios comme RCN, comme Radio Jéricho. Donc on vous libère. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, merci. Je vous embrasse. Ouais, ciao, ciao. C'est Eros Ramazzotti avec Tina Turner. Je ne savais même pas qu'il y avait ce duo totalement improbable, mais j'adore Eros Ramazzotti. Can't stop thinking of you. Eros Ramazzotti avec Tina Turner. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. C'est le jeu auditeur. On arrive bientôt à la fin de cette émission. C'est le jeu auditeur où nous avons, James, hein, l'habitude d'appeler par surprise, puisque généralement les gens ne s'y attendent pas. Quelqu'un. Des quidam, des gens, des auditeurs. Voilà, des les fameux auditeurs. Quidam. Si Jules César était là, il saurait de quoi on parle. Exactement. Effectivement. Et on va tout de suite appeler un auditeur. Alors, on va faire trois sonneries avant. Enfin, on va lui laisser trois sonneries. Je fais les sonneries Est-ce qu'on l'appelle, on l'appelle sur cette planète ou c'est... Deuxième sonnerie. Ah, est-ce que ça va décrocher? Ça décroche toujours pas. Est-ce que ça décroche? Oui, allô? Ah, oui, oui, bonjour. Oui, qu'est-ce que vous m'emmerdez encore? C'est quoi? C'est Maximo qui m'appelle? Non. Parce que je veux sentir très oui, parce que pressé. Là, je suis en boutique. Oui. Pressé. Vous êtes en boutique. Bonjour, Marie. Ouais, comment vous connaissez mon prénom encore, vous? Ah, parce que vous avez postulé pour pouvoir jouer à notre jeu. Mais je crois que j'en ai déjà un peu trop dit. Ok, non, mais ça, je sais pas. Ça doit être un membre de ma famille, parce que moi, j'en ai vraiment rien à faire. Alors, de c'est ça. Mais bon, allez-y. C'est qui t'appelle? Mais j'en sais rien, c'est un mec de chez Maximo, je crois. Il a la voix, en tout cas. On doit peut-être... Alors, non, on ne fait pas partie... Oh, je préfère le dire, on est Fadjet. Vous savez, pour c'est le Kaba Fadjet. Pour gagner le Kaba Fadjet, vous le avez Kaba participé. Fadjet, le Kaba Fadjet. C'est Kaba Fadjet? Oui, c'est le Kaba Fadjet. J'entends votre mari, peut-être. C'est votre mari? Oui, bon, Robert, viens ici. Voilà. Appelez Robert. J'ai le Kaba Fadjet. Oui. Alors, est-ce que vous savez... Est-ce qu'on est à la boutique? Oui. Est-ce que vous savez le contenu du Kaba? Eh, quoi, le Kaba? Mais j'en sais rien, moi, le cabas. Bon, des glaces. Bah, des glaces. Ah, des glaces, des esquimaux. Des fusées. Non. Je sais, les fusées non, avec merci. Le bout en chocolat. Et fusées Lorraine. Avec le bout en chocolat. Et fusées Lorraine. Je suis obligé de raccrocher. On a parfois des auditeurs qui sont un peu complètement à l'ouest. C'est les jeux du cabas Fadjet, de tomber des fois sur une Marie qui est totalement speed. Bon, manifestement, c'est pas aujourd'hui qu'on fera gagner à nouveau le cabas Fadjet. Dommage, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Pour la prochaine fois. Mince. C'est pour la prochaine fois. Merci en tout cas, on passe tout de suite. C'est la fin de cette émission. Merci Marie d'avoir... Bravo Marie. Oui. C'est marrant parce que... Ah bah pleure, ah, elle pleure. C'était horrible. C'était horrible. C'était à la fois génial et horrible. Ouais, comme nous. C'était ornial. Mais en tout cas, c'était à s'y méprendre. Tu as la même voix que Jocelyn. C'était... Ouais, ah ouais, ah bah, ouais, je suis ravie. Voilà. Un petit coucou à Sophie aussi qui nous a quittés précédemment. Oui. Et un gros coucou à Jocelyn qui va se remettre de... Qui sera là dès la semaine prochaine. Oui, reviens vite, Jocelyn. Voilà, oui. En notre compagnie, nous serons là la semaine prochaine. Voilà. Si vous êtes amateur de la voisinade comme Sting, c'est dans 2 semaines. Et nous, c'est la semaine prochaine que nous serons sur Fadjet. Allez, ciao.